L'exportation numéro un des États-Unis. Les dettes. Les dettes. Puis moi, je parle d'Anna Montana. Hey, ça, c'est bon, ça. C'est 70%. Étienne Forêt est en onde aussi. Tout à fait. Thème. Des fois, on a des invités, puis d'autres fois, on n'en a pas. 70%, c'est pas très, très constant. On parle de marque en VHS et puis de jeux vidéo. 70% contre les intellos, comme ils jouent au Magic Zelda dans un plein de fun. 70% de rejet à la radio. Oh oh oh oh oh. Bonjour mesdames, messieurs et bienvenue en ce tout début de semaine à Cinéquiz le 4 février. Aujourd'hui, nous avons présenté le western marqué par le destin avec Elizabeth Montgomery, Robert Foxworth et L.Q. Jones. J'espère que ce film vous a plu. Comme vous le savez, maintenant, à chaque vendredi, nous retirons les lettres de la boîte et nous les acheminons pour les garder bien précieusement en vue d'abord de notre tirage mensuel et ensuite de notre tirage de fin de saison. Alors, comme vous le constatez, le lundi, il y a moins d'envois. Alors, pour vous, beaucoup plus de chances de gagner. Alors, comme rien de plus simple. Ça fait comme un pré-lien avec la nouvelle des Chinois et de l'aéroport qu'on va avoir tantôt, oui. J'ai l'impression. On est totalement à 70% pendant qu'on a ciné quiz ici en arrière. Moi, son ton de voix comme ça, ça me rappelle beaucoup mon enfance, car bien sûr, la gardienne que j'avais écoutait tout le temps les dites émissions et elle commençait tout le temps comme ça, comme ici, ça commence tout le temps en disant on dit bonjour à Israël Trudel-Denis qui va parler d'Anna Montana. Et de lutte. Et de lutte. Et de ça lutte. Ça va être fort, ça va être fort. Et voilà. Chronique musclée. Chronique musclée. C'est bon, ça. Merci. Merci. Et puis Étienne Forêt, bien sûr, toi, t'as un petit volet religion. Oui, religion catholique aujourd'hui. Puis toi, Bruno, ben, tu nous dois une bonne dose de nouvelles, fait que tu vas exploser. On a une émission suite. Très chargée, laissez-moi vous dire. Ouais. Sinon, ben, excuse-moi, mon gars, là, je vais prendre deux petites secondes pour rappeler à tout le monde que c'est Night of the Kickfighter et non pas Return of the Kickfighter qui a été choisi ce soir, les deux films qui étaient en compétition. Et puis sinon, ben, on va partir la trame sonore de fond qui va être Naked Gun. C'est écrit par une fille, Ira Newton. Le Naked Gun, là, c'est... Oui. Avec Leslie. Oh, c'est ça. Ouais. Bruno. Oui, alors on va y aller tout de suite en nouvelle avec un petit peu de Japon. Un couple qui promenait son chien dans la ville de Izu au Japon, croyant avoir trouvé le corps de quelqu'un dans la zone forêt, a alerté la police. Arrivé sur les lieux, les officiers des forces constabulaires ont découvert que le corps était plutôt une poupée gonflable de haute qualité. Les policiers ont alors retrouvé la personne responsable de ce déchet inapproprié. L'homme avait, semble-t-il, vécu avec cette poupée plusieurs années après la mort de sa femme. Il était devenu attaché à elle et il lui semblait cruel de la découper et de la jeter dans une poubelle. Il a donc décidé de la jeter illégalement dans les bois. C'est bien moins pire. Ben oui. Il fait maintenant face à une poursuite judiciaire en rapport sur la loi sur la gestion des déchets. Et il fait maintenant parler de lui à Montréal, de l'autre côté de la planète. Exactement. Ben, il aurait pu faire un petit mausolée, quelque chose, un rituel. Ben oui, ben ouais. Barry Manilow. Moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, il aurait pu l'incinérer ou l'enterrer ou quelque chose. Ouais. Tu sais, mais non, il a juste tombé dans le forêt. J'avoue, c'est ça, du moment que tu te demandes deux questions, ça marche plus, son raisonnement, là. Non. C'est twist, ça devait être une arme de crime quelconque. Ouais. Donc. Israël, il a l'air d'être. De tac. Oui, je vais vous parler d'Anna Montana, vite fait et bien fait. Ouais. C'est ma nouvelle à moi. C'est rare, j'ai des nouvelles. Anna Montana est cette petite chanteuse de 16 ans, jouée par Miley Cyrus, qui est sur le Disney Channel. Elle chante des bonnes chansons et elle fait une émission où elle mène une double vie, chanteuse le soir et écolière le jour. Vraiment de la merde. Oh, comme Kim Possible, maintenant. Ouais, dans le fond. Donc, cette charmante Miley Cyrus s'est faite refaire les dents il n'y a pas si longtemps. Si vous êtes des fans du Echo Vedette, vous le savez sûrement déjà. Alors, elle s'est faite refaire les dents pour une somme astronomique dont je ne me rappelle plus. Mais là, j'ai parlé à quelqu'un qui travaille au HMV à Québec par hasard et j'ai su l'abominable nouvelle qui suit. Quand elle leur fait faire son sourire, ils ont tous rapatrié les DVD dedans la voûte de Disney puis en ont sorti des nouveaux. la voûte de pour que Disney. Sur les disques il y ait le beau sourire. Uh-huh. Fait que si jamais vous avez acheté le DVD avec le beau beau sourire, ça risque de valoir pas cher dans une couple d'années. Merci. C'est vraiment du gros gaspillage de ressources. Bon ben comme on est mandat musical à fond, merci beaucoup Israël. Deux nouvelles douteuses, on commence fort. Moi je vais mettre Tom Sears et Matt Eaton. C'est une tune québécoise, vous allez voir tout de suite. C'est très mandat nouveau parce que tu sais, il y a personne qui est ici en studio qui écouterait ça chez eux. Puis on va toutes les quatre avoir hâte qu'elle finisse. Fait que on va se lancer là-dedans, c'est nouveauté. Il y a personne qui sait c'est quoi, puis ça vient d'où. Le titre de la chanson, c'est le titre de la chanson, oui, bien sûr, bien vu. Israël prend les notes aujourd'hui. Ici en secret. Non, donc en rapport. Qui a lu son évaluation aujourd'hui et qui fait sa feuille de route. Mais c'est bien. Death the Star de Tom Sears et Matt Eaton. Death the Star. Des stars comme STAR, tu vas voir. On est à 70%. Ah ouais, un groovy, hein? Ouais. Bam! On va aller chercher des pop-tights. T'es ni une star, ni une P-E-D-E-T-T-E. Tout ça ta D-E-T-T-E, c'est dans ta T-E-T-E. Lorsque tu te l'as, P-E-D-E, tu me fais rire comme un nain en S-A-L au P-E-T-T-E. T'es ni une star, ni une P-E-D-E-T-T-E. Tout ça ta D-E-T-T-E, c'est dans ta T-E-T-E. Lorsque tu te l'as, P-E-D-E, tu me fais rire comme un nain en S-A-L au P-E-T-T-E. C'est le tapis rouge sur Saint-Denis. Star Herbie Tool Star Academy. J'ai mon tan de bronzage en canne. Les cheveux bien placés, les ongles manicurés. Ouais, ça c'est la balance pour tous ceux qui pètent au plus haut que le trou. Qui flippent du caribou, frôlent la tête, tous ceux qui se la jouent. J'entre chez vous, j'garde mes bottes pleines de gadouleux. Champion en survêtement, conception est arrivé. Une net calibre à date pour rivaliser avec Matt Eaton Pieces. Et leur acolyte on est intergalactique, universel le best. Une star, ni une V-E-D-E-T-T-E. Tout ça ta D-E-T-T-E, c'est dans ta T-E-T-E. Lorsque tu te l'as, P-E-T-E, tu me fais rire comme un R-S-A-L-O-P-E-T-T-E. Dette de star, dette de boîte, dette de dobby, straight strict. Planalette, stop, j't'arrête près de sec quand t'arrives toujours en retard, jamais à l'heure à mon bord. Sexy boys, band de bord, le top contact pour une bête de star. Roulant sport compact avec tous les accessoires, le même qui pète avant que la broue soit faite. Ou pire encore, celui qui traîne qu'on respecte même pas dans un esti de corridor. Hey, bonnet, j'suis content de te voir, excusez-moi pour leur tort. Sorry, mon sel est mort, viens que j'te paye après l'écran CD. Parce que soit ça va être toi, ça sort à toi, bébé. Ouais, ouais, j'te connais. Celui qui gèle son sort, celui qui sort des bars. Tard, tard, tard le soir, dans pour grand fort sans faire d'effort. C'est 50-50 lorsqu'on compare à un port. Des gels, puis ouvre donc les stars. Viens donc au bord des stars, puis c'est dessus qui fait tout. On se verra sûrement dans le backstar. On va faire des blabla. Oui, de Costco avec un verre de porc. Tu te l'as, P-E-T-E, tu me fais rire comme un R-S-A-L-O-P-E-T-T-E. Qui serez-vous, mesdames, mesdemoiselles, au bar la star? Tu m'y montrerai la bête, tard ce soir. Tard car tard c'est star, j'y serai avec mes torts et mes torts. Près de toi, mon ami. C'est quoi qui se passe? On parle pas. Tout arrêté d'un coup. Ben oui. Ben là. C'est à cause qu'on essayait de régler des affaires, les amis, mais ça a mal marché. Fait que. Okay. La tune a arrêté, mais moi je voulais l'entendre jusqu'à la fin. Moi je pense que c'est le matériel. Ni une star, ni une on fait des rimes avec des E en épelant des mots qui finissent par E. Tu manges avec une F-O-U-A-C-H-E-T-T-E. Ça tombe bien parce que j'ai des tunes où ça épelle aujourd'hui aussi. Ça va faire un super lien. Ah, ben vas-y, parle-nous-en donc. Étienne Forêt. Étienne Forêt. Oui, je me suis fait un thème aujourd'hui. Voulez-vous que je le parte? Oui, vas-y. Oui, Georges, je suis si faible entre tes bras. Oh, Georges, je suis une femme. N'en profite pas. Et oui, la chronique de DJ Georges aujourd'hui, thème religieux chrétien. J'ai parcouru ma discothèque à la recherche de belles tunes sur Jésus, Dieu, la Bible et tout ce genre de conneries. Et j'ai découvert plein de belles choses. Premièrement, évidemment, dans les tunes religieuses, il y a tout le temps des tunes plates, style un peu cantique de chorale. Un bon représentant de ça, c'est Les Petits Chanteurs du Mont-Royal. J'ai amené l'album ici, Chanter Joseph, en l'honneur de Saint-Joseph et de l'oratoire du même nom. Saint-Joseph, le cocu le plus célèbre de tous les temps. Oui, et puis justement, tout ce qu'on connaît de Joseph, c'est ça, tu sais, puis il n'y a pas grand monde, tu sais, Marie, tout le monde prie la Vierge Marie, mais Saint-Joseph, tout le monde s'en fout un peu. Fait que je trouvais ça bien qu'il y ait quelqu'un qui soit dit, on va faire un disque là-dessus. S'intéresser aux underdogs, ça fait très 70%. Exactement, et vous voyez ce que ça donne. Okay, c'est beau, hein? Il y a les paroles dans le disque, dans la pochette. Fait que c'est genre de même tout le long. Là, j'essayais, je me disais, je vais en trouver une comme plus joyeuse, qui se démarque un peu du lot. Finalement, non. Ils sont tous exactement comme ça. Est-ce qu'on sait si c'est Grégory Charles qui avait le mandat à l'époque? Non, c'est bien avant lui. Il était probablement qu'il avait juste 10 ans. Là, c'était en 82. Donc, Les Petits Chanteurs du Mont-Royal qui nous chantent ça. Donc ça, c'est un peu banal. Puis des disques de même, il y en a plein avec les mêmes genres de tunes. Donc c'est pas ce qui est le plus intéressant dans le religieux. Par contre, j'en ai une autre ici que vous connaissez sans doute, Sœur Sourire, alias The Singing Nun, en anglais. On dirait, le gars qui chante en background, ça sonnait vraiment comme de la mélasse qui coulait. Ouais, ça en est probablement, en fait. C'est pas un gars, c'est vraiment de la mélasse qui coule, c'est marqué en arrière de l'album. Donc, Sœur Sourire, qui est très connue pour avoir fait cet énorme succès en 63, Dominique. Dominique, Nique, s'en allait tout simplement. Oh Dieu, pauvre chanteur. Et voilà, en tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu. Il ne parle que du bon Dieu. C'est bon, n'est-ce pas? Donc, j'ai un album ici complet de Sœur Sourire, alias de Singing Nun. Et on la voit pas sur l'album, c'est juste des dessins. Et puis, on comprend pourquoi quand on fait quelques recherches sur elle puis qu'on tombe sur sa face. Elle était pas très jolie. Sœur Sourire s'appelait Janine Deckers et c'est une, c'est une religieuse belge. Sœur Sourire de Singing Nun. T'avais jamais entendu ça, pourtant c'est connu. Regarde, je vais le voir. On peut repousser des vampires et Tommy avec l'album de Singing Nun. Et puis, c'est tragique. Elle a un destin tragique, Janine Deckers, alias la Sœur Sourire, parce que elle, quand elle a fait ce disque-là, il y a eu plein d'argent qui est rentré dans les coffres de sa congrégation, puis à un moment donné, elle a décidé que ça fitait plus avec son mode de vie d'être sœur, fait qu'elle est partie. Puis elle a essayé de faire carrière par elle-même sans sa personnalité de sœur. Et puis ça a pas très bien marché. Puis éventuellement, le fisc belge l'a poursuivi, puis il a dit « Hey, t'as fait de l'argent avec ce tune-là en 63, on n'a jamais vu d'impôt, rien, fait que tu nous dois plein d'argent. » C'est ça. Elle, évidemment, elle l'avait pas cet argent-là, c'était sa congrégation qui l'avait. Fait qu'elle est allée les revoir, puis eux autres ont dit « J'ignore de quoi vous voulez parler », puis ils ont pas donné le maudit scène. Fait qu'elle s'est suicidée. All right, j'espérais tellement que ça finisse de même ton histoire. Mais plus encore, elle s'est suicidée avec sa blonde parce que finalement, Sœur Sourire était lesbienne. D'ailleurs, si on regarde dans l'album ici, on nous parle un peu d'elle. Et puis, on parle un peu de la vie des sœurs. Puis ça dit, à certains moments de l'année, des jeunes filles viennent faire leur retraite à Fichermont, qui est l'endroit où il y avait le couvent. Le soir, une fois leurs contemplations et leurs études religieuses terminées, elles se réunissent dans le jardin pour rire, sauter, donner libre cours à leur entrain et s'égayer avec les sœurs. Oui, et oui, voilà. Oui. Ben, oui. Sautent et s'égayent tous ensemble. Tous ensemble. Tous ensemble parce qu'il n'y a pas de gars. Non, c'est ça. Fait que, ils sont dans le jardin, par contre, fait qu'il y a moyen de trouver toutes sortes d'affaires. C'est super lugubre quand tu réalises qu'elle s'est suicidée, c'est le oui. chante. Elle s'est suicidée à la fin, puis c'est Sœur Sourire. Sœur Sourire se suicide. Quel non-sens. J'ai choisi une autre tune aussi de cet album-là. Une dernière, puis on sauce dans le douteux après, mon gars. Ben, oui, on est pas mal jusqu'au cou. C'est déjà bien parti, mais je vous cède l'antenne après. Sa guitare s'appelle Adèle. Elle a donné un nom à sa guitare, puis elle lui a fait une chanson que voici. De toute beauté. La la la la. Ça sort un peu le disque, c'est un vieux disque. Vous voyez, on nous explique que cette guitare vient de l'Espagne. C'est pour ça qu'il y a un petit beat espagnol. Ah, ben oui. C'était une guitare espagnole, née d'un boulon ou d'un sapin. Ah, elle sait pas. Guitare en sapin. Dans une boutique. Ouais. Vous voulez bien être en acajou. Barcelone. Un acajou. Bah oui. Un beau matin du mois de juin. De juin. Au fond du cœur, une étiquette indique son identité. C'est bon, hein? Ouf. Voilà, je me tais pour l'instant, puis je reviendrai avec d'autres belles tunes pour mettre la parole de Dieu dans votre cœur. Enfin, ça, bref, j'en connais un pas pire. C'est un de mes chums qui a le venir. Ça s'appelle Les Alléluia. Tu sais quoi, toi? Non. Je vais t'en parler. C'est un groupe de prêtres rock. Ah, wow, ça doit être très bon. Ouais, c'est les années 50. Toi, tu chercheras ça dans ta prochaine bande de garage. Tout à fait. On pourrait faire deux spéciales religions avec ça. C'est ah oui, sûr. Facilement. Il y en a beaucoup. Hein. Donc, m'en mettre ça au début un petit peu, parce que la trame sonore au début du film va très bien sier au propos que je vais amener présentement, c'est-à-dire parler du dit film. Le dit film, starring Andy Bauman. 1988, Buddy Rise, c'est ça son nom, c'est Buddy Rise, R-E-Y-E-S, c'est lui qui l'a réalisé. Sinon, Andy Bauman, c'est l'acteur principal. Il va camper dans le film de ce soir le rôle de Brett Cady, le meilleur de l'unité spéciale secrète de la cellule d'information et contre-espionnage la plus confidentielle du système de défense le plus professionnel de tous les temps. La CIA. Ou un ex de la CIA, c'est comme vous voulez. On va revenir au contenu plus tard, on va analyser le contenant d'abord. Comme Andy Bauman a écrit le scénario du film de ce soir, il peut se vanter de n'avoir joué que ses propres textes au cinéma. Même chose pour Buddy Rise, qui réalisa un film avant de réaliser qu'il aurait dû écouter son père quand il était à l'école d'avocat pour fils à papa. Et puis en fait, à part Adam West, qui a jadis été zombifié, là, on parle de 36-37 environ, et puis ben, le gars qui fait le portier dans la famille Adams, aucune carrière n'a survécu au carnage de Night of the Cake Fighters. Aucune carrière n'est rentrée à la maison. C'est tout des POW, c'est tout mort au combat sur le champ d'honneur. Il n'y a plus rien à faire avec ça. On va comprendre assez vite, parce que là, on est au début du film. Hein, t'sais, c'est un James Bond wannabe, notre beau et brutal Brett Cady. Et puis là, il est dans une ville mystérieuse avec des trames sonores moitié avant, moitié répercussion rythme. Il va avoir un party. On commence dans une ambassade. Là, on va aller vivre ici le gros party, la grosse fiesta. Sentir la mondanité du monde dans lequel Brett et brutal Cady évolue, bien sûr. Oh, c'est un pays fascinant. Il faut cependant apprendre à le connaître. Sinon, il est... C'est un party, là. Il y a plusieurs dizaines de personnes dans l'écran. On avance au travers d'une foule. Quel dommage. Et j'imagine qu'elle doit être heureuse de voir... C'est mon avis personnel, il n'engage que moi. J'ai toujours préféré les blondes. Quand même un ton sophistiqué. Ben oui, on leur verra. Ces réceptions m'ennuient à mourir. Ah, je comprends. La seule chose que je trouve excitante, ce sont les supermen que le chèque a invités. Je crois que je vais changer de... Je vous demande, en pensez-vous? Ah, ne faites pas l'étonner. Je sais que vous êtes de la CIA, Monsieur Crédit. Mon Dieu. J'ai des amis très influents. À plus tard. Carrément. J'espère que tu ne fais pas trop ta vilaine, Kedesha. Pas encore, Votre Altesse. Prenez garde, mon ami, elle va vous manger vivant et elle savourera chaque minute de ce délice. Serait-ce un conseil d'ami? Ah, le chef est plus qu'un admirateur. Il a très bon goût. Merci. Veuillez m'excuser, monsieur. Mais je souhaiterais pouvoir m'entretenir seul à seul avec votre jolie voisine. Un court instant, bien sûr. Un ami influent. Retrouvez-moi à l'étage dans le bureau du chef d'ici 5 minutes. C'est la dernière porte à droite. Oh, yo, yo, yo, yo! Ça promet. Beau et brutal, Brett Cady vient de se pogner un ticket. On sentait vraiment l'ambiance de fête, le débordement humain ici. Les gens avaient perdu le contrôle. Mondanité à fond la caisse. Là, on va retourner un petit peu plus loin. Il y a 10 dans 5 minutes. On va skipper les 5 minutes. On va aller voir ce qui va se passer. Peut-être. Beau et brutal, Brett Cady. Hein, il va perdre le contrôle de son charisme. Il est en train de fouiller des papiers. Hein, c'est les vieux replis de la CIA. Des formations professionnelles. Ben, bien sûr. Ben oui. Je vais vous l'imaginer dans le bureau, là. Il n'y a rien qui soit important ici. Ah. Oh, oh. Mm. Bleu nuit. Rien mis à part moi. Et voilà, donc, les choses vont y aller comme c'est supposé y aller. On va y revenir dans pas longtemps. Je veux juste mentionner que la fille qui joue Kate Deschaux, qui est la fille là, qui vient de rencontrer le héros, va tantôt, bientôt, devenir méchante. Pour l'instant, ce qui est important de noter, c'est que cette madame-là était une figure importante dans la libération de la femme au cinéma dans les années 80. C'est le dernier film qu'elle a joué dedans. Ah. Quel diable d'Américain. Vos baisers en disent long sur vos performances. C'est tellement vrai. Ah, j'espère que vous me pardonnez ma fougue. Appelez-moi Brett. Brett. Mais ça n'a aucun rapport, mais bon. J'ai le sentiment que nous avons tant de choses à ma débattre. Fougue, c'est peut-être son nom de famille. Et j'imagine... Et que cela nécessite un peu d'intimité. Et voilà, finalement, la méchante bat les masques. On comprendra jamais de tout le film pourquoi la méchante a dit « Viens me rejoindre en haut ». Là, il va y avoir Ponty qui va arriver. Elle va dire « Ponty, tue cet homme. » Puis là, Ponty, il va le mettre dehors. Comme si c'était la même chose. C'est comme le chasseur dans Blanche-Neige. C'est exactement comme le chasseur dans Blanche-Neige. Mais bon, on vient de passer au travers de notre première tranche d'extrait. On va aller écouter une bonne chanson parce qu'il y en a. Et puis, ben, jusqu'à date, il n'y en a pas beaucoup dans le show. On va aller écouter ici, ça va être les Jaguars, un groupe québécois des années 60. Bon. Ils ont survécu à tout ce qu'il y a à survivre pour un bon band. C'est comme Le Monde dans le Feu. Hein. Ils sont vraiment pris avec le succès, c'est un site, mais ils restent unis. Pas facile tout le temps, non. Ça. Pas facile. Fait que les Jaguars, Mère Morte, originale, version de 63, ils ont fait le tour du monde avec ça. On écoute ça, puis on revient à 70% avec Étienne Forêt, mais surtout le beau et brutal Brett Kady. Bonne raison de prendre une 50. Parce qu'il fait beau. Parce qu'il fait chaud. La fin de semaine est arrivée. C'est le temps de relaxer. Parce que ma blonde me trouve beau. Parce que mon équipe mène 5-0. Yeah! Et c'est congé demain. Quelle que soit ta raison. l'instrument de la perfection et de l'hygiène. Je suis l'ennemi de la décadence et de la corruption. Je suis dentiste. Eh ben bonjour, ici Pierre Brassard, vous écoutez 70% sur Choc FM. Voilà, voilà, voilà. On est de retour en nouvelles tout de suite. Robert Evans, un sans-abri de Boulder, Colorado, marchait dans la rue et s'est fait frapper par une voiture. Il a donc été transporté à l'hôpital, mais n'avait rien de grave, donc il a été renvoyé de l'hôpital. Cette nuit-là, alors qu'il revenait à son campement, il s'est fait frapper par un train. Et a survécu. L'homme a eu donc deux tours d'ambulance cette nuit-là. C'est le premier incident de ce type enregistré, semble-t-il. C'est la première fois qu'un gars a deux rides d'ambulance dans la même journée. Pour s'être fait frapper pour deux la même fois. Raison, là, ouais. Pour la même raison. Ouais. Puis qu'il a survécu à tout ça en plus. Ouais. Fait que ce gars-là, il est peut-être en train d'être à Regis. Ouais. En tout cas, j'ai lu là quelque part qu'il y avait le plus haut taux de chance dans sa malchance de l'histoire de l'humanité. Ok, ouais, frapper par un train d'habitude. Ouais, frapper par un train d'habitude, c'est... T'es plus là pour en rire. Non, après, c'est mettons. Ça. Encore, encore. Ok, ok, ok. Alors, ben, il y a un mathématicien de l'UCLA qui s'appelle Edison Smith et ses collègues, donc, qui ont trouvé un nombre premier Mersenne le mois dernier, un nouveau nombre premier Mersenne. Le groupe a trouvé le 46e Mersenne connu. Un Mersenne nommé pour le mathématicien Marin Mersenne qui l'a découvert s'exprime comme suit. 2p-1, p pour à la puissance 2, le p étant lui-même un nombre premier. Le nouveau nombre est 2 à la puissance 43 112 609 moins e et mesure 13 millions de chiffres de long. Pour visualiser la patente, là, ça, à 75 chiffres par ligne, 50 lignes par page, il faudrait 3500 pages pour l'imprimer. Donc on évolue le gros nombre premier. Ouais, c'est bon. Aïe aïe, c'est fabuleux. C'est d'actualité scientifique. C'est de l'actualité scientifique. On se croirait à découverte. Ici Charles Tissard. En direct du Bas-Saint-Laurent. Est-ce qu'on a un autre encore? Ok, je peux t'en donner un autre. Ben d'abord, on retourne au Japon un petit peu. La population vieillissante au Japon qui pousse à des nouvelles inventions. Il fallait attendre que peu de temps pour pouvoir posséder son propre coussin gonflable personnel. C'est-à-dire un coussin gonflable que l'on porte. Sur soi. Sur soi. Puis dans l'auto, c'est le coussin est conçu pour s'expandre en 0,1 seconde lors de la détection d'une accélération vers le sol. Fait que si tu tombes, fait que tu rebondis. Tombes, ben voyons donc. Puis si tu sautes sur place. Ça fait la même affaire. Descends pas et marche trop vite. Non. Hey, dans l'ascenseur l'autre fois, là, ils sont partis en même temps. Ils sont restés coincés là une semaine. Voyons donc. Et capitaine, t'en as combien de pages? T'en as 3 pages? Ah non, j'en ai pas 3 pages. Les autres, c'est l'évaluation puis la lettre de Blonde. Bon, ben, ce qu'on va faire avant de passer à une autre partie de la chronique de notre ami Étienne Forest, c'est qu'on va mettre ici un bout des divines jokes du diable. 26 caractères, l'arrivée du spectacle ou le monologue, mon cher Forest? Ben, je dirais le monologue, ça a l'air intéressant. Ça a l'air très intéressant. C'est bien tu sûr. Tu parles de Madness Ring? Madness Ring, oui. Un bout de son show d'humour. Ah. C'est pas de notre faute, c'est lui qui l'a fait. Ah ouais. Ah ouais. C'est Madness Ring. On va laisser le micro allumé pour qu'on puisse savourer. Il y a 3 personnes, puis il y a lui qui rit. Il m'a dit qu'il a applaudi par-dessus. Ouais. Il est seul dans le processus, je pense. Ouais, merci. C'était une fois un gars, il rentre dans un bar, il ferme la porte, il rouvre la porte, il ferme la porte, il rouvre la porte. Il se gratte la poche, il se gratte la tête, il dit c'est pareil. Il lâche un rot, tout le monde le regarde. Il s'en va au bar, il donne une tape sur le cul de la fille, et il fait un sourire. Il met la main dans les culottes, il flatte le bord de la raie. Et il saute d'un bras, puis elle l'embrasse. Maudit hostie, c'est ça qu'il me faudra. Wow. Il y a une notion de punch qui a été mal comprise ici. Hein. Oui. Je suis triste dans la vie. Pas de problème, on va t'arranger ça. Hey, c'est fabuleux. Ouais. Ici, on a la frotte box. On a aussi la bleutée. Ça, c'est pas à conseiller. La première chose que tu sais, ça te saute d'en face. En passant, qu'est-ce que tu fais avec ça, la Foxbox? Ça, tu branches ça après ton radio. Hey, hey, hey! C'est fort, hein? C'est le pire rire en canne que j'ai jamais entendu, en plus. Essayez la toute nouvelle bière pas de fond. Celle qui garde la laine fraîche. La bisse. Vous en serez convaincus. OK, OK, OK. Qui veut continuer? Moi. Que je fasse mal? Moi. OK. Non, attends un peu, là. C'est juste la prochaine joke, là. La toute nouvelle technologie par laser permet d'enlever vallon, boursouflure et toute autre grosse niaiserie. T'as des plis sur la poche? Appelle-moi. Je peux t'aider. C'était clair. Un signe de détresse en soigne un peu le cul. Au beau milieu de la rue. Twitch tilip, twitch tilip, lip, lip, twitch tilip, twitch tilip, lip, lip. Utilisez Viva vous ravive. J'ai perdu 20 kilos avec Métamucil. Celle qui passe tout droit et ressort à l'autre bout. Si t'en arraches, crois-tu que t'en arraches? Quand t'en arraches, penses-tu que t'en arraches? La langue dans l'anus. Au mieux l'avoir là qu'ailleurs. Ben non, j'ai mieux l'avoir ailleurs. Oui, moi aussi. Il y a plein d'autres endroits plus cool, je pense. Aïe, aïe, hein? Aïe, aïe, aïe. C'est percutant. On va avoir écouté les trois premières minutes d'un de ces six monologues d'humour. C'est combien de minutes en tout? Je sais pas toutes. Mais lui, il durait beaucoup 6 minutes, puis on était à 3. Ah, bon, OK. On a fait la moitié, c'est bon. On a fait ça ensemble, les gars, on était là. Ouais. Je m'excuse à la table. Bon, ben, je peux parler de ma fin de semaine? Avant, on va faire une partie d'Étienne. Ah, ben, ouais. Vas-y, une partie d'Étienne. Faisons une partie de moi. Alors, je vous offre une partie de mon corps du Christ. C'est vrai que ça va faire des tonnes. Est-ce que tout le monde connaît Claude Valade? Ben oui. Claude Valade, qui est dans une pub que je t'avais déjà donnée, Tommy, ici, qui est celle-ci. Claude au féminin, bien sûr. Claude au féminin, oui. Enfin disponible en CD et cassette, les chansons chrétiennes de Claude Valade avec la participation exceptionnelle de Serge Bélair. Alors, Claude Valade a eu une grosse passe chrétienne à un moment donné, puis elle a fait plein d'albums chrétiens. Puis j'en ai un ici que j'ai trouvé au marché aux puces Saint-Eustache, encore une fois, qui s'appelle « Oui, je crois ». Et dessus, on voit un gros plan de la face de Claude Valade, les yeux levés vers le ciel vers et l'air extasié. Et puis ici, un petit extrait que j'ai choisi, ça s'intitule « De quelle couleur est la peau de Dieu? » Oh! Regardez comme c'est sympathique. Ça nous change des chants de Saint-Joseph, là. Ouais, j'avoue, hein. Funky Jesus. Bonsoir à mon petit enfant, en l'embrassant tendrement. D'une voix endormie, il m'a demandé de quelle couleur est la peau de Dieu. De quelle subitement couleur comme ça. Est la peau de Dieu. De quelle couleur est la peau. C'est vrai que c'est le genre de question qu'un parent doit... Ouais. Si tu veux brainwasher ton kid, tu te mets d'avoir des réponses à toutes de déjà prêtes. Exactement. Puis tu vois, elle, ce qu'elle nous répond, c'est que la peau de Dieu, elle est noire, jaune et brune et blanc. Toutes les couleurs, finalement. Parce que, effectivement, c'est confirmé, la peau de Dieu est un mélange de toutes les couleurs du spectre. C'est donc dire blanc, finalement. Ou noir, parce qu'en... En noir, c'est l'absence des couleurs. Ouais, c'est ça, en physique, c'est ça, mais en chromatique, c'est le contraire. Oui, c'est vrai. Si on parle de peinture, c'est ouais, différent. Donc là, ça fonctionne comment, là? Moi, je pense que c'est plutôt Dieu et lumière, il n'est pas peinture. Ça a toujours été... En tout cas, Einstein serait fier de toi, mon gars. Oui, c'est certain. Si, là, on le salue, s'il nous écoute. À côté de la sœur souriante. Oui. Bonjour, ici Einstein. Blablabla, vous écoutez, c'est cette difficile. Oui, bonjour. Mais non, mais sinon... Que j'écoute à chaque fois qu'on parle de moi. Ceci étant dit, vous rappelez-vous de notre amie Chantal Renaud. Moi, je m'ennuie de Chantal Renaud comme première dame du Québec. J'ai pas l'album, Israël, cherche-le pas. J'ai juste un MP3. Mais donc, c'est ça. Elle, c'est la femme de Bernard Landry. Alors, ça a déjà été la première dame du Québec et je m'ennuie beaucoup d'elle parce que c'est pas Michou Charest qui nous ferait des bonnes tunes comme celle-ci. commencement du monde, il y avait des millions d'animaux à poil, à plumes ou à cornes. Mais les anges du ciel, les hommes et Dieu disaient que le plus joli de tous, c'était la licorne. Il y avait des crocodiles, des zèbres. L'histoire, en gros, de cette toune-là, c'est qu'il y a plein d'animaux, dont la licorne, puis à un moment donné, il y a le déluge, puis il faut ramener les animaux sur l'arche de Noé, puis il oublie la licorne. C'est pour ça qu'on en a plus aujourd'hui. Il y en a tant, pas juste oublié une des deux. Moi, je sais ce qui est arrivé pour vrai, là. Dans le fond, elle n'a pas été oubliée, c'est que les autres animaux étaient tellement jaloux. Ils l'ont attaché dans le bois. Il y a une butinerie sur le bateau. Peut-être qu'ils lui ont juste dit la mauvaise heure de départ, puis il est arrivé comme 30 minutes. Moi, ce que j'ai entendu dire, c'est que de la licorne, c'était très, très, très nourrissant. T'avais vraiment pas besoin d'en manger beaucoup. Puis à un moment donné, ils ont manqué de bouffe sur l'arche de Noé. Haute teneur en protéines. Ouais, je sais pas. Puis voilà. Un ours contre une licorne, là, ouais. C'est qui gagne? Ouais, ça dépend qui est wasp. Ouais. Ça dépend qui est derrière l'ours. Ça dépend qui a élevé l'ours. Ça dépend qui est en train de se faire tamer par Rambo. Ouais, qui franchise qui. Ça dépend si le combat est truqué. Il y a beaucoup de facteurs. Parlant de combat truqué, Israël, tu vas faire un lien avec ta fin de semaine. Aïe, je suis bien bon. C'est fou. Alors, c'est samedi midi. Mon ami Benoît m'a appelé. Il m'a dit: ah, Israël, veux-tu virer une brosse d'après-midi? Ce qu'on a fait. Et après ça, on est allé voir la lutte de sol. Oui, monsieur. C'est un très grand événement qui se passe à chaque fin de semaine au 16-11 Saint-Clément au coin Adam. Ça, c'est dans Hochelaga. C'est proche de Ontario Pineuf. C'est peu. Hey, c'était drôle. Peur. Fait que là, on était voir. C'est comme aller voir un douteux, en fait, live. Puis moi, Tommy, on y va cette semaine. Fait qu'on vous invite tous à y aller. Il y a des chaises partout. Il y a de la sécurité, puis tout. Fait que si y a un lutteur qui t'écœure, c'est sûr qu'il t'écœurera pas longtemps parce que le gars de la sécurité va te mettre entre lui, puis tout. Ah, ok. Bon. Fait que qu'est-ce qu'il y avait là? Il y avait des choses très spéciales. D'abord, l'entrée à 10$. L'absence de bière. Pendant l'entraque, on peut aller prendre des photos avec les lutteurs. J'ai d'ailleurs pas pris de photos avec Bulldozer. T'en as profité pour pas prendre de photos. J'ai vu plein de lutteurs, je vais vous les nommer. Il y avait Bulldozer, justement. Il y avait Rebelle. Il y avait Mobster. Frankie il y avait the Mobster. Big Fat Seb. Oh, mm-hmm. Oui, ben... Il a l'air méchant. Hey, lui, c'était un rappeur. Il était là avec son aigle puis sa pitoune, puis il a dit: « Hey, toi, sors-toi le cul! Monte pas sur le ring! » C'est ça qu'il a dit à sa pitoune. Oh, as-tu compris, puis oui, elle restait en bas. Son droit de service, il faisait le traître. Parce que pendant que Bill Falseb était à terre et que Bulldozer voulait lui calisser une volée, tout le public s'est mis à dire: « Derrière toi, Bulldozer! Derrière toi! » Ce que Bulldozer n'entendait vraiment pas. Non, comme mais dans non, puis là, le mec de service... Le noir, pardon. Oui. De service. La minorité visible de service bon, de Big Fat ça. Seb est sauté sur Bulldozer qui est tombé à terre, ce qui a permis à Big Fat Seb de pouvoir se relever et de finir en beauté dedans les gradins, parce que ça s'est battu à l'extérieur de du ring. Des coups qui étaient anti-convaincants. Ah, c'est drôle, là. Je sais même pas quoi vous expliquer. Puis, dans l'assistance, il y a encore du monde plus drôle que les lutteurs. Oui, il y a ça. Des petites vieilles qui envoient chier les lutteurs. Ils disent: fuck you, ne va pas prendre toute manière! Fait que là, les gros lutteurs s'en vont voir les petites vieilles. Ils lui disent: ah, tu m'écœuras quand t'auras des dents! Je l'ai vraiment entendu ce samedi, cette phrase-là, crier dans là, deux pouces de la face. Elle n'aura plus des dents. Hey, puis il y a aussi des jeux. Tous les enfants qui sont là sont baquets, OK? Tous les moins de 10 ans sont baquets. Vous devez être ça de large au moins pour pouvoir rentrer. Puis il y a aussi des jeunes pédants qui s'en vont envoyer chier tous les lutteurs. Puis la sécurité est tout le temps obligée de se mettre entre les deux, mais on sait qu'ils sont dans le coup. Ah, oh, mais oui. Samedi soir prochain, à quelle heure? Samedi soir prochain à 10h, à 7h, 19h. 19h où? 7h au 16-11 Saint-Clément. On y va. On va aller voir. C'est Dieu le veut! Parce qu'il y a une trame de fond aussi. Hein, l'histoire se suit. Fait que si tu y vas toutes les semaines pour 10$ pour la semaine, tu peux avoir un love story dans ta face. T'as même pas besoin de voter, mais faut tu peux te même te aller taper dans la main quand ils sortent du backstage. Mais là. Il s'occupe de s'éliminer eux autres, même en se pétant ailleurs avec des chaises. Fait que c'est ça, c'était très impressionnant. Merci. Bon, ben samedi prochain, on va vous ramener des bonnes nouvelles lundi prochain. On va essayer d'inviter un lutteur. Frankie the Monster. Ah, oui, ben, Frankie va venir. Moi, je le connais, je l'ai déjà interviewé. On est de même. C'est lui qui a failli pleurer dans les yeux. Non, c'était Nova dans le temps. C'était ça son nom. Il était serré, son sou. Parce qu'il brillait comme Dieu. Il brillait, ouais. Sinon, écoutez ça. Écoutez ça. Hein? Les vraies valeurs. La fille du milliardaire McMahon se fait kidnapper. La rançon, le HL-2000. La première arme holographique intelligente au monde. Quoique ça n'a pas l'air intelligent quand j'en parle. On suit avec des hologrammes. La seule solution possible à cette crise, la seule manière d'éviter la pire, c'est de dépêcher le susmentionné beau et brutal Brett Caddy et son équipe de stéréotypes professionnels. Ce dernier acceptera-t-il une dernière mission pour le compte de l'oncle Sam? Sinon, la fille kidnappée du milliardaire sera-t-elle une motivation suffisante pour tirer Caddy de la retraite? Oncle Sam, fille kidnappée, argent, qu'est-ce qui peut rester? Comme des causes personnelles? Comme motivation, comme vecteur d'action. Comme si on n'avait pas compris. Effectivement, il apparaît rapidement que les méchants du prologue sont les mêmes que ceux du dernier tiers. Non! Ce qui fait que Caddy connaît... Personnellement, la personne qui a kidnappé la fille du milliardaire américain vendeur du HL-2000, arme capable de renverser la balance du pouvoir sur Terre. Ah, puis attention tout le monde, hein, vous avez un peu de bave dans la bouche. Pourquoi? Ben, c'est souvent le cas. C'est ça. Ouais. C'était ma joke. Bon, pas tes bonnes, tes jokes. Si on veut 4 étoiles l'an prochain, il va falloir que tu t'améliores, Tony. Alors, même Madness Rang, là. C'est le dit, ouais, c'est ça. On va aller se ressourcer là-dedans parce que, tu sais, la fille kidnappée est pas encore kidnappée. Là, on va la rencontrer, elle va se marier dans le bain. Voilà. Savourez, c'est une des doublations qui fait préséance dans le domaine des doublations cheap. Là, la fille avance, elle a la psychose dans le bain, logique, la bien ninja, comme moi. Ça, c'est un cri de ninja. Oh, Megan, pourquoi est-ce que tu t'acharnes sur moi? Je voulais pas que tu croies qu'à cause de ton mariage, on allait t'oublier à la maison. C'est ça, c'est une drôle de façon de montrer ton attachement. Ben oui. Vous êtes prêtes, mes chippies? Le rendez-vous est à 15h et il est déjà 14h30. Et donc, c'est ça, le rendez-vous pour se faire kidnapper est à 15h. S'il te plaît, dépêche-toi. Oui, arrive pas en retard à ton kidnapping. C'est très mal vu. Non, ben là, c'est très, très, très mal vu. Ça ne se fait pas. On est un petit peu plus loin dans le film. Devinez qui s'est fait kidnapper. Non. Je non. te jure. La mais... fille pas la fille de McMahon. Sauf que là, avant, on va aller voir c'est qui McMahon. On va comprendre c'est qui McMahon. C'est-tu lui qui a organisé le kidnapping? Tu vas voir. Non, ben non, c'est Adam West. McMahon, c'est Adam West. Mais là, il y a les bruits de quoi? Messieurs, je vous présente le laser HL-2000. Il peut atteindre n'importe quelle cible. Conçu grâce à la nouvelle technologie au laser SDI, le pouvoir percutant de cette arme nouvelle pourra détruire toute autre machine jamais construite auparavant. Veuillez me suivre. Et, très fait important, noter, Marico, il peut atteindre n'importe quelle cible. Oui. Permettez-moi de vous présenter mon assistante qui nous arrive de Tokyo. Tu peux pas atteindre n'importe quelle cible, non? Enchanté. Enchanté. C'est le laser qui fait ce bruit-là, Dyler. C'est le laboratoire. Nous pouvons commencer. Laboratoire de Batman. C'est du gros laser, le HL-2000 holographique. Vous venez de voir l'une des deux fonctions du HL-2000 de McMahon Enterprise. La première arme laser holographique au monde douée d'intelligence. Et permettez-moi une autre démonstration. Mariko? C'est quoi une arme holographique, je comprends pas. Comment un hologramme peut faire du dégât? C'est une arme avec des mots qui ont l'air winner. On va passer à autre chose, parce que je cite pendant qu'ils font des tests sur des petites bébelles en plastique. Comme je le disais, il s'agit d'une arme ultra sophistiquée. Ah ouais, c'est ça. Là, il va se faire tirer. Appuyez sur la détente, Marco. Là, il se fait tirer dessus par le laser, mais... Mais les effets spéciaux sont cheap. J'en ai un qui vous voyez, le faisceau m'a reconnu. Pourquoi? Parce que nous avons développé un microprocesseur qui est si petit et si rapide et qu'il est capable de transmettre l'information plus vite que jamais auparavant. Nous sommes en mesure d'enregistrer l'empreinte oculaire de chaque soldat qu'on envoie à la bataille dans l'ordinateur de cette arme. Résultat, quand tu tires les yeux, il te reconnaît. Elle devient une sonde qui est capable d'identifier sa cible, qu'elle soit amie ou ennemie. Et ce, quel que soit l'angle ou la position de cette dernière. C'est ça. Mais même. Si l'empreinte oculaire ne correspond pas aux données de l'ordinateur interne, il le détruit. Et voilà, ça l'a détruit. Ça veut dire que si t'arraches des yeux à un de tes ennemis puis tu te promènes avec, techniquement, t'es correct. Ouais, c'est bon, ça. C'est malade, man. Il nous prend pour n'importe quoi. Sinon, ben, j'ai ici le petit de résumé qui est en arrière. Je vais le lire en ayant du Huey Lewis en arrière parce que ça me tente. Pourquoi pas? Ouais, c'est ça, on est à 70%, on l'est pas. Vous allez voir, c'est fabuleux, Huey Lewis. Il s'est excusé, d'ailleurs, dernièrement à l'ONU. Il ne recommencera pas. C'est ça, ils ont dit, s'excuse, il ne faudra plus. Mené par la très sensuelle et très mordelle Kedicia, un groupe de terroristes arabes enlève la fille du scientifique Carl McMahon pour qu'il leur livre le code secret qui opère une arme terrible, le HL-2000, un laser holographique capable de détruire la planète. Ouais. C'est pas clair. Les Américains dépêchent leurs troupes d'élite. À la tête du groupe, le beau et brutal Brett Cady, ex-agent de la CIA et expert en arts martiaux. Il y a aussi la super sexy Cléa, experte en électronique. L'excentrique Bomber, un inventeur qui adore jouer avec la mort et qui n'a aucun ami, bien sûr. À part la mort. Mon préféré, Aldo, le magicien, qui a appris au Vietnam tous les trucs pour disparaître. J'ai son sac ici, là. Et Socrate, un autre vétéran du Vietnam dont la brutalité, l'agressivité sauvage, la puissance physique sont une inspiration pour tous. La troupe a localisé les terroristes dans une forteresse au Mexique. Ça va barder. Un film d'aventure qui pousse le flot d'adrénaline à son maximum et qui paye ses techniciens moins cher parce qu'on fait ça en bas de la frontière. C'est vraiment un excellent douteux pour commencer. Il y a Adam West, il manque de rien. Puis on a Huey Lewis and the News. Qu'est-ce qu'il peut demander de plus? Le client, je vois pas. Ce qu'on va faire, je pense, c'est qu'on va juste mettre deux petites pubs ici du bon vieux temps. Puis on va revenir à 70% pour avec les vraies affaires. Avec les forêts, les nouvelles, puis tout. Ah, c'est ça, tout. Ça va tout continuer dans cet ordre-là. On n'oubliera pas tout. Surtout pas. Encore plus avec la nouvelle Toyota Tercel édition limitée 1986. Écoutez ça. Pour ceux qui en demandent toujours plus, Toyota en offre encore plus avec la nouvelle Toyota Tercel. Ça, je l'adore celle-là, ça va, on voit mieux le visuel, là, mais il y a plein de monde, là, il y a une foule de monde qui sont debout et disent plus, plus, plus, plus. Plein dit pour ceux qui en veulent toujours plus. C'est ça, c'est ça. Des zombies du plus. Ouais. Puis là, il y a la toune. Qu'est-ce qu'on veut? Plus! Quand est-ce qu'on le veut? Bientôt! N'oublions pas que quand elles seront parties, il n'y en aura plus. Ah, ça fait du bien. Satisfaire. On salue les vrais qui nous écoutent. Oui, c'est ça. Moi, j'aime aussi quand ils font de la pub sur un produit que t'as acheté. Mettons, on aime ça. Ben ouais, ben, oui, je l'ai acheté. C'est ça. Aïe, aïe, aïe. Bruno. Oui. Fais mal à une autre place. OK. Alors qu'un avion ne fonctionnait pas, les employés de l'aéroport de Zhengzhou ont envoyé 30 personnes pousser l'avion hors de la piste. La poussée de l'avion contenant 69 passagers et 7 employés sur une distance de 800 mètres leur a pris près de 2 heures. Heureusement que ce n'était qu'un petit modèle de 20 tonnes, a déclaré l'un des employés qui a aidé à la pousser. Un plus gros modèle nous aurait mis à terre. Ils l'ont parti sa compression. Ça vole pas haut. Voyons donc. Ouais, alors, là, c'est quoi, tu changes-tu de compagnie aérienne quand ils sont obligés de pousser ton avion en dehors de la piste? Faut que tu participes, là, t'sais. Ça marche pas, là. Ah bon, ok. Alors, Kathleen Trett a été appelée en cour pour avoir manqué un paiement de pension alimentaire pendant 12 ans. la pension de 63 cents, donc que la dame n'avait pas payé depuis 12 ans. La dame a appelé le tribunal croyant un malentendu puisqu'elle n'est non seulement plus chargée de ses enfants, mais elle est elle-même grand-mère par les deux enfants. Elle aurait reçu une lettre lui affirmant qu'elle avait payé la pension en totalité il y a environ une douzaine d'années. Mon problème, dit-elle, c'est le gaspillage de ressources surtout. C'est du gaspillage, a affirmé une commis de tribunal, mais ça fait malheureusement de partie de ce que l'on fait. Le gaspillage. Le gaspillage, voilà. OK, c'est ça. C'est pas détanche. Correct, mais bon, c'est mais, même ça se fait. C'est niaiseux, mais c'est la déclaration de nos tâches. On n'a pas le choix. Ça fait partie de nos tâches. On peut pas manger en onde. Étienne Forêt. Moi-même. Eh bien, tout à l'heure, on avait la dette des stars qui épelait. J'ai des tounes chrétiennes qui épellent aussi. Par contre, elles sont en anglais, donc ça vous permet de pratiquer votre alphabet en anglais. C'est les Cedarmont Kids, un groupe d'enfants brainwashés qui chante pour brainwasher d'autres enfants. Et la première, c'est I am a C-H-R-I-S-T-I-A-N. Donc, I am a Christian. Je suis un chrétien. On écoute ça, c'est beau. Si vous vous sentez capable, vous pouvez épeler en même temps. I am a C-H-R-I-S-T-I-A-N. C-H-R-I-S-T-I-A-N. Check it out. Perdu, hein, le film. Donc ça dit I am a Christian and I have Christ in my heart and I will live eternally. Donc c'est ça qu'ils appellent. Ah. Je vivrai pour toujours puisque j'ai Jésus dans mon cœur. Il y en a en fait une autre qui est beaucoup plus simple parce que le seul mot qui appelle c'est le mot Bible. Et c'est très intéressant aussi. C'est, ça répète toujours la même chose. Sur un petit air pseudo militaire. C'est bon pour Harper dans cette période d'élection. Ça tout le temps. The B-I-B-L-E, that's the book for me. Aïe, là. Des fois, le bottin de téléphone aussi, ça a des réponses. C'est vrai. C'est vrai. Le B-O-T-T-N. Ça dépend quelle question tu poses. Israël. C'est vrai. Oui. C'est vrai. Alors, ça, c'est si les Cedarmont Kids. Ils sont très sympathiques. Bon, ben, pitch nous un petit dernier vite fait. Toi, Bruno, il te reste-tu des nouvelles? Il te reste une nouvelle? Fait qu'on cause ces deux affaires-là en deux minutes et demie, les gars. OK, alors j'ai apporté le 45 tours ici de... Je sais plus où. Ah, il est là. De Jacqueline Lemay, qui s'appelle « Semer la joie », la chanson « Semer la joie ». Ça a été enregistré à Radio Marie à Notre-Dame-du-Cap. Et Jacqueline Lemay est une oblate missionnaire de l'Immaculée. Regardez si c'est joyeux. Qu'il fait bon d'être sourire et d'aimer. Vive la vie, vive la vie, semez la joie, semez la joie, semez la joie qui rayonne au cœur de la charité. Vive la vie, vive la vie, semez la joie, tra-la-la-la. Tra-la-la-la, ça c'est mon bout de préféré. Merci, semer la joie, puis aimer la vie. Aimer la vie, semer la joie, tra-la-la-la. Puis on dit juste le nom d'une chanteuse, fait que je pense, moi, que c'est elle qui se fait contrepoint à elle-même. Comme Madness Ring. Comme Madness Ring, exact. Mais moi, ça me fait penser, là, ces tunes-là, là, ça me fait penser à Ren and Stimpy quand qui met le casque de la joie sur la tête. Ouais. Happy, happy, joy, joy. Tu sais, c'est quoi ça? Elle regarde dehors, puis elle voit tout ce qui est beau, puis si c'est pas beau, elle dit ça va être beau demain. Ouais, exactement. Ça marche pas. Peut-être. Ça. Ah, écoute, c'est du positivisme, tu peux pas comprendre. Ouais. Univers infini. Univers infini. Oui. Donne-moi un lecteur de DVD Blu-ray. Il y a plus de monde qui font comme moi que comme toi, fait que j'ai raison. C'est ça. Bruno, nouvelle. Oui, Caroline Hayes, 63 ans, s'était faite amie avec un cochon sans abri, mais l'amitié a été éphémère. Le cochon qu'elle avait appelé Bruce et qu'elle avait soigné et hébergé l'a retenu en otage cette semaine. Le Vera de 80 kilos a commencé à frapper dans sa porte et refusait de la laisser sortir, voulant être nourri. Lorsqu'elle a poussé sur la porte, le porc a donné un grand coup qui l'a fait tomber, et elle a même essayé de le frapper avec un bâton qui l'a cassé en deux. Elle a fini par réussir à sortir de sa chambre pour enfin aller aux toilettes après avoir jeté de la nourriture par la fenêtre. Le porc a ensuite détruit son jardin et un matelas qui était dans son garage. Elle a dû appeler les gardes forestiers pour s'en débarrasser. Mon Dieu, il était déchaîné. Ouais. Hey, ça n'est une popée pour la fin, ça. Il paraît que des verras, quand ça a faim, c'est bien, bien tough à contrôler. Ouais. Comme j'ai déjà dit, pour Nicolas Cage, qui a un cochon comme animal de compagnie, j'imagine qu'il devait faire chambre à porc. Oh! Qui vivra vers là. Hey, il était pas terrible. Soit retour à la maison. Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Il fait 18 degrés. Il fait encore du café aux communes, hein? Bon. Bruno Corbin, merci. Israël Trudel-Denis, merci. Étienne Forêt, merci. Merci Andy Bauman d'avoir fait un film dans ta vie. Merci surtout aussi à tous ceux qui vont au douteux.org, ça nous garde en vie. On est hot. On vous attend au brouhaha ce soir. Brouhaha. Puis samedi, n'oubliez pas, hein, au 16-11 Saint-Clément, il y a de la lutte. Oui. Yep. Puis là, ben moi, je vais faire mon petit dernier bout de film avant de vous laisser avec les derniers extraits de notre toune de générique finale. Version originale, Night of the Kick Fighter, le film de ce soir fut également distribué en tant que Night Raiders. C'est le titre que j'utilise dans l'encyclopédie ailleurs parce que ça amène quand même à la page de IMDB du film de ce soir. Et puis, ben, ça a plus un lien avec la version québécoise, bien sûr, de ce soir. L'autre film proposé qui a perdu, c'était Return of the Kick Fighter. Version française, Vengeance de Dernière Mission 3, l'avant-dernière mission, ou plus communément, Mission accomplie. Donc, Night Raiders, Night of the Kick Fighters, les commandos de l'ombre, c'est la même affaire, ça n'a absolument rien à voir avec Return of the Kick Fighter, qui est Mission accomplie, version française. Là, je voulais faire sûr que c'était clair pour tout le monde. C'était très, très clair. Et voilà, merci, c'était 70% en ce beau date de 4 février, là, que disait l'autre. Là. Bon, ça crée ça. Salut. Ouais, c'est ça. 4 février? Ben, déjà? Ça pose. Voyons, indicatif, final, mélancolique. Bon, on va y aller mélancolique. Non, métal. Métal. Métal. Yes, métal. N'est-ce pas bon? Even me pète un tronc. J'ai vraiment mal à mon occipital. C'est quoi ça, c'ti? Mais là, ça va être mieux. Je vais compter tout de suite. Hey man, amène-moi vers l'eau. Génial, Lucatim. Nous sommes arrivés trop tard. Les types qui ont fait le coup savaient ce qu'ils faisaient. Un de mes hommes a retrouvé son médaillon par terre. J'ai donné un sédatif à votre épouse, Carl. Par contre, Meghan va avoir besoin de repos. Avec ses côtes cassées, elle n'est pas prête à refaire du cheval. Mais ça va s'arranger. C'est une question de temps. Je peux la voir. N'essayez pas. J'ai vraiment essayé. Oui, ma chérie, je n'en doute pas. On la sauvera, ma puce. On va faire tout ce qu'il faut pour la ramener saine et sauve. Repose-toi. On va les retrouver, ces pourris, je t'assure. On va te ramener Cathy saine et sauve, tu peux me croire. Ne décroche qu'à la troisième sonnerie. Et reste calme. Allô? McMahon? Oui, ici Carl McMahon. Je ne répéterai pas deux fois les choses. Au moindre faux pas, ta fille est morte. Alors évite de rameuter tes petits chiens de garde. Tu récupéreras ton rejeton contre 4 millions de dollars en liquide et un petit extra, à savoir le code d'accès complet de ton ordinateur. Et si tu ne nous donnes pas satisfaction, cher ami, ta fille ne sera plus que de la poussière, c'est compris? Bienvenue dans le monde de demain, messieurs. Vous n'avez que deux heures. Deux heures et le code est à nous. Les Américains tombent sur le panneau. Les Israéliens, eux, ils auraient renvoyé le pal. Plus excitant. Le principal dans cette affaire, c'est que les terroristes pensent qu'on va satisfaire toutes leurs exigences. Sinon, sauver Cathy deviendrait une véritable mission impossible. Mais ce n'est pas elle qui les intéresse, c'est ma nouvelle arme. Et... Du 4 septembre au 10 octobre à la Maison de la Culture Frontenac, venez visiter Riot Boys, une exposition de groupes d'artistes en début de carrière qui traite de la représentation masculine à travers diverses disciplines artistiques. Riot Boys, une collaboration Choc FM du 4 septembre au 10 octobre à la Maison de la Culture Frontenac, 2550 Ontario S. Pour plus d'informations, www.riotboys.ca, riotboyz.ca. Viens donc te défoncer aux notes et au rythme du festival Pop Montréal. La programmation de cette année a déjà été déclarée comme étant la meilleure chose qui soit jamais arrivée à notre ville. Nous sommes allés chercher pour vous le légendaire Bird Bacharach, la reine du soul de la Nouvelle-Orléans, Irma Thomas, Ratata, Wire, Dan Deacon, Soul Call, The Dodos,